329, observation, immediate future and present. Futur immédiat, ils vont manger. Présent, ils mangent. Il va travailler. Ils travaillent. Ils vont manger and ils mangent represent two different tenses of the verb manger. Ils vont manger indicates an action in the immediate future. Ils mangent indicates an action in the present.